À la terre qui lui donne encore de l'eau, exaucez notre prière pour sauver votre troupeau. Que le ciel pardonne au monde jusqu'au dernier jugement. Que celui qui coupe un arbre sache qu'il tue un enfant. À la terre, la planète est en folie. Dans les crises et les colères, elle égare vos brebis. Le ciel reprenne au sable l'or noir qui le fait saigner. Que demain renaisse un homme pour y planter l'olivier. Je chante, c'est que la peur est en moi, et cette peur que je chante, qui donc au ciel l'entendra. On assassine la terre, ne l'avez-vous pas compris? Il vous faut sauver la terre, il vous faut sauver la vie. Pardonne au monde jusqu'au dernier jugement. Que celui qui coupe un arbre sache qu'il tue un enfant. Sache qu'il tue un enfant.